بسم الله الرحمن الرحيم. ندخل اليوم في السؤال 18 بعد 100. 118 question. سؤال الشيخ رحمه الله تعالى. نسمع ونقرأ كلمات حرية الفكر وغيرها من الكلمات المضللة في بعض الجرائد والمجلات وهي دعوة لحرية الاعتقاد. فما تعليقكم على ذلك؟ Donc il est interrogé en disant nous entendons et nous lisons la parole libre pensée. Là, il pense, il y a une liberté de penser. Et autres parmi les paroles d'égarement. Et cela, on les lit dans certains journaux, dans certains magazines. Et comme on l'a dit aujourd'hui, cela est valable pour tout ce qui est sites et réseaux sociaux et autres. Ce qui sont les moyens d'aujourd'hui. Et il dit, il s'agit là en fait d'un appel à la liberté de croyance. Ce mot, en réalité, renferme la liberté de croyance. Donc quel est votre commentaire par rapport à cela ? فأجاب رحمه الله تعالى تعليقنا على ذلك أن الذي يجيز أن يكون الإنسان حر الاعتقاد يعتقد ما شاء من الأديان فإنه كافر. Donc il a dit notre commentaire à cela, c'est que celui qui permet à la personne d'être libre dans sa croyance, qu'il a le droit de croire ce qu'il veut et de prendre ce qu'il veut comme religion, celui-là c'est un mécréant. لأن كل من يعتقد أن أحدا يسوغ له أن يتدين بغير دين محمد صلى الله عليه وسلم فإنه كافر بالله عز وجل يستتاب فإن تاب وإلا وجب قتله. Il a dit car celui qui croit qu'il est permis à quiconque de pouvoir s'adonner à une religion autre que celle de Mohammed عليه الصلاة والسلام c'est un mécréant. Il ne croit pas en Allah Azzawajal. Et celui qui se dit muslim parmi eux, qui parle comme ça, on l'appelle à se repentir. Et s'il refuse, alors il est obligatoire de l'exécuter. Et on précise encore, cette exécution ne revient pas tout à chacun. Ça c'est on part dans un pays d'islam où le gouverneur met en place ses sentences. Une telle personne, on en informe les autorités que lui dit ça et ça et ça et ça, après ceux qui se chargent de lui. D'accord, c'est pas demain tu parles avec un musulman en France ou ailleurs et te dit ce genre de parole, toi tu le tues, tu n'as pas le droit. Ou dans un pays musulman où on n'applique pas les sentences, tu n'as pas le droit toi. Cela n'est pas ton travail. Toi ton travail c'est d'informer. Azab. Et là on parle du jugement de l'islam et non pas de l'acte à faire pour le civil. Naam. Wal adyanu laysat afkar walakinna wahyun min Allah azza wa jall. Yunzilu à la Rasulih, liyassir ibadahu alayhi. Il a dit pourquoi ? Car les religions ne sont pas des pensées ou des réflexions, mais il s'agit d'une révélation d'Allah subhanahu wa ta'ala qu'il a fait descendre sur ce messager afin que ses serviteurs puissent appliquer, évoluer là-dessus, acheminer là-dessus et vivre selon ses religions. Et quand on parle des religions, c'est chacune qui est venue en son temps, bien sûr, pas aujourd'hui, comme il va expliquer l'auteur. وهذه كلمات أعني كلمات فكر التي يقصد بها الدين يجب أن تُعذف من قواميس الكتب الإسلامية لأنها تؤدي إلى هذا المعنى الفاسد وهو أن يقال عن الإسلام فكر والنصرانية فكر واليهودية فكر. Il a dit cette parole, ce mot qui est pensée, réflexion, par lequel on veut par là la religion, il est obligatoire de la retirer des lexiques des livres islamiques. Pourquoi ? Quelle harmonie justement à ce sens qui est faux ? De faire croire que l'islam c'est une pensée, que la Nasraniya est une pensée, et que la Yahoudiya est une pensée. قَالَ أَعْنِي بِنَصْرَانِيَا أَلَّتِي يُسَمِّيهَا أَلُوهَا بِالْمَسِيحِيَا. Et il dit, je parle par la Nasraniya, ce que les gens appellent christianisme. فَيُؤَدِي إِلَى أَن تَكُونَ هَذِي الشَّرَائِعَ مُجَرَّدْ أَفْكَارْ أَرْضِيَا. Pourquoi ça va amener à dire quoi ? À faire penser aux gens que toutes ces législations ne sont que des simples pensées terrestres, c'est-à-dire des créations, qui viennent de la création. D'accord ? Comme une philosophie en fait. Et que chacun est libre de choisir. وَالْوَاقِعَ أَنَّ الْأَدْيَانَ السَّمَاوِيَّ أَدْيَانٌ سَمَاوِيَّةٌ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلْ يَعْتَقِدُهَا الْإِنسَانَ لَأَنَّهَا وَحِيٌّ مِنَ اللَّهِ تعبد بها عباده وتعبد بها عباده ولا يجوز أن يطلق عليها فكر. Donc elle a dit, car en réalité, ces religions sont des religions célestes qui viennent d'Allah Azza wa Jal. Et l'être humain a pour croyance que cela est une révélation par laquelle on adore Allah, on voue un culte. Donc on ne peut pas les appeler pensée ou réflexion. Et bien sûr, on sait que les religions antérieures ont été abrogées par l'islam. Mais quand elles sont venues, elles étaient des religions réelles. D'accord ? Aujourd'hui, elles ne sont plus. Et même, elles ont été changées. Elles ont été modifiées, altérées. Sans quoi, elles ont une origine réelle. Et ça, on y croit. Naam. Khulasat al-jawab, anna man yataqada yajuzu li ahadin an yatadayyan bima asha'a. Wa anahu hurrun fima يتدين به فإنه كافر بالله عز وجل لأن الله تعالى يقول ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. Donc il a dit, pour conclure la réponse, celui qui a pour croyance qu'il est permis à quiconque de pouvoir suivre une autre religion que celle de Mohammed, qu'il est libre dans son choix, c'est un mécréant. Car Allah, dans le sens, il dit, celui qui choisit une religion autre que l'islam, elle ne sera pas acceptée de lui. ويقول إن الدين عند الله الإسلام إسلام religion pour Allah c'est l'islam. فلا يجوز لأحد أن يعتقد أن دينا سوى الإسلام جائز. يجوز للإنسان أن يعتقد أو يتعبد به. بل إذا اعتقد هذا فقد صرح أهل العلم بأنه كافر كفرا مخرجا عن الملة. Donc il n'est permis à personne d'avoir cette croyance là que autre que l'islam est une religion valable, valide, vraie. Car cela reviendrait à démentir le Coran. À dire que ce qu'Allah dans le Coran dit, c'est pas vrai, car Allah l'a bien dit. D'accord, dans le sens que la seule religion qui accepte auprès de lui, c'est l'islam. Donc celui qui a cette croyance-là parmi les gens qui se disent musulmans, les gens de science ont clarifié clairement cette personne-là est excommunionnée de l'islam. Ce n'est plus un musulman, celui qui pense comme ça, car il revient à démentir le Coran. Et il revient à démentir Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc il n'est plus un musulman. Même si lui dit je suis musulman, on dit toi, dans tes prétentions, tu l'es. Mais ce n'est pas tout ce qu'on prétend qui est réel. Mais ce sont les lois de l'islam, toi tu ne l'es plus. Et nous, on regarde quoi? Les lois de l'islam, et pas tes prétentions à toi. Naam. Thumma su'ila fi su'al tasi'ashar ba'd al-mi'a. An qul al-insan ana hur. Donc il est interrogé, sans dire la même question, par une personne qui dirait je suis libre. Je suis libre. Fa'ajaba rahmallahu ta'ala. Idha qala dhalika rajul. حر ورد به حر من رق الخلق فنعم وحر من رق الخلق. Il a dit si la personne dit je suis libre en disant qu'il n'est pas en fait un esclave de la création, il n'a pas de maître parmi les hommes, on dit oui, tu es libre. أما إن أراد أنه حر من رق العبودية لله عز وجل فقد أساء إلى فهم العبودية ولم يعرف معنى الحرية لأن العبودية لغير الله هي الرق. Il a dit si vous le par ça le fait que il est libre de la servitude d'Allah, alors là, il aura très bien compris le sens de la servitude. Et là, on parle de quelqu'un qui dit musulman. Car, en réalité, la vraie liberté, c'est l'assujettissement à Allah. Amma ubudiyat al-mar li rabbihi azza wa jal, hiya al-hurriya. Fayya al-hurriya. Fainu lam yuzil lillah, zil ghalillah. Aw lay yuzal yuzilla lillah, zalla li ghalillah. فيكون هنا خادما نفسه إذا قال إنه حر يعني إنه متجرد من طاعة الله ولن يقوم بها. Comme on vient de le dire, car en réalité, la servitude du serviteur pour son Seigneur, telle est la vraie liberté. Car celui qui va délaisser cette servitude sera assujetti à autre chose et à la création. Soit à ses passions, soit au matériel, soit aux hommes, et ainsi de suite. Comme a dit Allah, أَرَيْتَ الَّذِي اتَّخَذَ إِلَهَا هَوَاهُ. As-tu vu celui qui a pris ses passions comme divinité? Donc il sera prisonnier d'autre chose. Et là, il deviendra vraiment esclave de la matière. Donc si tu veux être libre, sois un serviteur d'Allah, Azza wa Jal. D'accord? هَذَا الَّذِي أَرَادَ الْمُؤَلِّفِ بِيَدَ الْقَوْلِ. ثم جاء سؤال العشرون بعد المئة. صمتم question qui est également relative à cela. سؤال رحمه الله تعالى عن قول العاصي عند الإنكار عليه أنا حر في تصرفاتي. Il interrogeait à propos de cela, la personne qui ferait des péchés, un musulman, et lorsqu'on lui fait le reproche, il dit « Je suis libre de mes agissements. » فَعَجَابَ رَحْمَ اللَّهُ تَعَالَى هَذَا خَطَأ نَقُولْ لَيْسْتَ حُرًّا فِي مَعْصِيَةِ اللَّهِ بَلْ إِنَّكَ إِذَا عَصَيْتَ رَبَّكَ فَقَدْ خَرَجْتَ مِنَ الرِّقِّ الَّذِي تَدَّعِيهِ مِنْ فِي عُبُودِيَةِ اللَّهِ إِلَى رِقِّ الشَّيْطَانِ وَالْهَوَى. Donc il a dit c'est une erreur de cela. Car tu n'es pas libre de désobéir à Allah. Cette liberté-là, tu ne l'as pas. Elle ne t'est pas permise, elle ne t'est pas attribuée. Ou ne t'est pas accordée. Mais au moment où tu désobéis à Allah, justement, tu sors de sa servitude. Tu n'es plus serviteur à ce moment-là. Non pas que tu sois un mécréant, mais tu n'obéis plus. Donc à ce moment-là, tu deviendras quoi? Tu deviendras esclave de Shaitan ou de tes passions à toi. Car tu auras suivi ce que toi tu veux faire. Donc la personne n'est pas libre dans le fait qu'il a des choses qui sont décrétées, il n'a pas le choix. Soit il doit le faire, soit il ne doit pas les faire. Maintenant, il a le libre arbitre. Il a le potentiel d'agir selon ce que lui veut faire. Mais est-ce qu'il a le droit de le faire? Non. À l'exemple d'un père qui dit à son fils, Masalan, ce soir tu ne sors pas. D'accord? Ce soir tu ne sors pas. Par exemple. Le fils, est-il en mesure de pouvoir ouvrir la porte de sortir? Il peut le faire. Mais est-ce que cela veut dire qu'il a le droit de le faire? Non. Mais la capacité, il l'a de désobéir. Il l'a. Tout comme Allah Azzawajal t'a laissé en toi la capacité de désobéir. Celui qui veut qu'il obéisse et celui qui veut m'y croire ou celui qui veut obéir, qu'il obéisse. Ya'malu ma shi'tum. Faites ce que vous voulez. Innahu bima ta'maluna basir. Certes, il est parfaitement voyant de ce que vous faites. Mais si tu désobéis, après, faut assumer. هذا الذي أراد المؤلف بهذه الأسئلة فإلى هنا والحمد لله رب العالمين.